pas être un livre ouvert de pages blanches à barbouiller où s'écriraient tous les langages, d'où viendrait ce noyer des vers. Je voudrais être un livre ouvert à tous les rêveurs solitaires. Je voudrais être un livre ouvert qui accumule mille dérives, le vague à l'âme et l'âme en vague. Je voudrais être un livre ouvert pour décrocher les amarrages et t'emmener vers mes rivages. Ne sois pas si entêté. J'ai des tas de choses à dire. Écoute-moi, je veux te lire ce qu'il y a dans mes pensées, ce que je veux te donner. Je voudrais être un livre ouvert qu'on découvrait, que ce soit clair. Écoute-moi, je veux parler. J'ai des tas de choses à dire. Écoute-moi, je veux te lire ce qu'il y a dans mes pensées, ce que je veux te donner. Te lire ce qu'il y a dans mes pensées.